La croisade des enfants de Marcel Schwob, tiré de La lampe de Psyché. Récit du Goliard. Moi, pauvre Goliard, clair misérable errant par les bois et les routes pour mendier au nom de notre Seigneur mon pain quotidien, j'ai vu un spectacle pieux et entendu les paroles des petits-enfants. Je sais que ma vie n'est point très sainte, et que j'ai cédé aux tentations sous les tilleuls du chemin. Les frères qui me donnent du vin voient bien que je suis peu accoutumé à en boire, mais je n'appartiens pas à la secte de ceux qui mutilent. Il y a des méchants qui crèvent les yeux aux petits, et leur scient les jambes et leur lient les mains, afin de les exposer et d'implorer la pitié. Voilà pourquoi j'ai eu peur en voyant tous ces enfants. Sans doute notre Seigneur les défendra. Je parle au hasard, car je suis rempli de joie. Je ris du printemps et de ce que j'ai vu. Mon esprit n'est pas très fort. J'ai reçu la tonsure de clergy à l'âge de 10 ans, et j'ai oublié les paroles latines. Je suis pareil à la sauterelle, car je bondis de ci, de là, et je bourdonne. Et parfois j'ouvre des ailes de couleur, et ma tête menue est transparente et vide. On dit que Saint Jean se nourrissait de sauterelles dans le désert. Il faudra en manger beaucoup. Mais Saint Jean n'était point un homme fait comme nous. Je suis plein d'adoration pour Saint Jean, car il était errant, et prononçait des paroles sans suite. Il me semble qu'elles devraient être plus douces. Le printemps aussi est doux cette année. Jamais il n'y a eu tant de fleurs blanches et roses. Les prairies sont fraîchement lavées. Partout le sang de notre Seigneur étincelle sur les haies. Notre Seigneur Jésus est couleur de lys, mais son sang est vermeil. Pourquoi ? Je ne sais pas. Cela doit être en quelque parchemin. Si j'eusse été expert dans les lettres, j'aurais du parchemin et j'écrirais dessus. Ainsi je mangerais très bien tous les soirs. J'irais dans les couvents prier pour les frères morts et j'inscrirais leurs noms sur mon rouleau. Je transporterais mon rouleau des morts d'une abbaye à l'autre. C'est une chose qui plaît à nos frères, mais j'ignore les noms de mes frères morts. Peut-être que notre Seigneur ne se soucie point non plus de les savoir. Tous ces enfants m'ont paru n'avoir pas de nom, et il est sûr que notre Seigneur Jésus les préfère. Ils emplissaient la route comme un essaim d'abeilles blanches. Je ne sais pas d'où ils venaient. C'étaient de tout petits pèlerins. Ils avaient des bourdons de noisetiers et de bouleaux. Ils avaient la croix sur l'épaule, et toutes ces croix étaient de maintes couleurs. J'en ai vu de vertes qui devaient être faites avec des feuilles cousues. Ce sont des enfants sauvages et ignorants. Ils errent vers je ne sais quoi. Ils ont foi en Jérusalem. Je pense que Jérusalem est loin, et notre Seigneur doit être plus près de nous. Ils n'arriveront pas à Jérusalem, mais Jérusalem arrivera à eux, comme à moi. La fin de toute chose sainte est dans la joie. Notre Seigneur est ici, sur cette épine rougie, et sur ma bouche, et dans ma pauvre parole. Car je pense à lui, et son sépulcre est dans ma pensée. Amen. Je me coucherai ici au soleil. C'est un endroit saint. Les pieds de notre Seigneur ont sanctifié tous les endroits. Je dormirai. Jésus fasse dormir le soir tous ces petits-enfants blancs qui portent la croix. En vérité, je le lui dis. J'ai grand sommeil. Je le lui dis en vérité, car peut-être qu'il ne les a point vus, et il doit veiller sur les petits-enfants. L'heure de midi pèse sur moi. Toutes choses sont blanches, ainsi soit-il. Amen. Récit du lépreux. Si vous voulez comprendre ce que je vais vous dire, sachez que j'ai la tête couverte d'un capuchon blanc et que je secoue un cliquet de bois dur. Je ne sais plus quel est mon visage, mais j'ai peur de mes mains. Elles courent devant moi comme des bêtes écailleuses et livides. Je voudrais les couper. J'ai honte de ce qu'elles touchent. Il me semble qu'elles font défaillir les fruits rouges que je cueille, et les pauvres racines que j'arrache paraissent se flétrir sous elles. Domine ceterorum liberame. Le Sauveur n'a pas expié mon péché blême. Je suis oublié jusqu'à la résurrection, comme le crapaud scellé au froid de la lune dans une pierre obscure. Je demeurerai enfermé dans ma gangue hideuse, quand les autres se lèveront avec leur corps clair. Domine ceterorum, fac mi liberum, leprosum sum. Je suis solitaire et j'ai horreur. Mes dents seules ont gardé leur blancheur naturelle. Les bêtes s'effraient, et mon âme voudrait fuir. Le jour s'écarte de moi. Il y a 1200 et 12 années que leur Sauveur les a sauvés, et il n'a pas eu pitié de moi. Je n'ai pas été touché avec la lance sanglante qui l'a percée. Peut-être que le sang du Seigneur des autres m'aurait guéri. Je songe souvent au sang. Je pourrais mordre avec mes dents. Elles sont candides. Puisqu'il n'a point voulu me le donner, j'ai l'avidité de prendre celui qui lui appartient. Voilà pourquoi j'ai guetté les enfants qui descendaient du pays de Vendôme vers cette forêt de la Loire. Ils avaient des croix, et ils étaient soumis à lui. Leur corps était son corps, et il ne m'a point fait part de son corps. Je suis entouré sur terre d'une damnation pâle. J'ai épié pour sucer au cou d'un de ces enfants du sang innocent. Et caro nova fit indi irae. Au jour de terreur, ma chair sera nouvelle, et derrière les autres marchait un enfant frais aux cheveux rouges. Je le marquai. Je bondis subitement. Je lui saisis la bouche de mes mains affreuses. Il n'était vêtu que d'une chemise rude. Ses pieds étaient nus et ses yeux restèrent placides. Et il me considéra sans étonnement. Alors, sachant qu'il ne crierait point, j'eus le désir d'entendre encore une voix humaine et j'ôtai mes mains de sa bouche. Et il ne s'essuya pas la bouche. Et ses yeux semblaient ailleurs. « Qui es-tu ? » lui dis-je. « Johannes le Teuton, » répondit-il, et ses paroles étaient limpides et salutaires. « Où vas-tu ? » dis-je encore. Et il répondit, « À Jérusalem, pour conquérir la terre sainte. » Alors je me mis à rire, et je lui demandai, « Où est Jérusalem ? » Et il répondit, « Je ne sais pas. » Et je dis encore, « Qu'est-ce que Jérusalem ?» Et il répondit, « C'est notre Seigneur. » Alors je me mis à rire de nouveau, et je demandai, « Qu'est-ce que ton Seigneur ?» Et il me dit, « Je ne sais pas, il est blanc. » Et cette parole me jeta dans la fureur, et j'ouvris mes dents sous mon capuchon, et je me penchai vers son cou frais, et il ne recula point. Et je lui dis, « Pourquoi n'as-tu pas peur de moi ?» Et il dit, « Pourquoi aurais-je peur de toi, homme blanc ?» Alors de grandes larmes m'agitèrent, et je m'étendis sur le sol, et je baisai la terre de mes lèvres terribles, et je criai, « Parce que je suis lépreux !» Et l'enfant Teuton me considéra, et dit limpidement, « Je ne sais pas, il n'a pas eu peur de moi. » Ma monstrueuse blancheur est semblable pour lui à celle de son Seigneur. Et j'ai pris une poignée d'herbe, et j'ai essuyé sa bouche et ses mains, et je lui ai dit, « Va en paix vers ton Seigneur blanc, et dis-lui qu'il m'a oublié. » et l'enfant m'a regardé sans rien dire. Je l'ai accompagné hors du noir de cette forêt. Il marchait sans trembler. J'ai vu disparaître ses cheveux rouges au loin dans le soleil. Domine infantium, libera me. Que le son de mon cliquet de bois parvienne jusqu'à toi, comme le son pur des cloches. Maître de ceux qui ne savent pas, délivre-moi. Récit du pape Innocent III. Loin de l'encens et des chasubles, je puis très facilement parler à Dieu dans cette chambre dédorée de mon palais. C'est ici que je viens penser à ma vieillesse, sans être soutenu sous les bras. Pendant la messe, mon cœur s'élève et mon corps se roidit. Le scintillement du vin sacré emplit mes yeux, et ma pensée est lubrifiée par les huiles précieuses. Mais en ce lieu solitaire de ma basilique, je peux me courber sous ma fatigue terrestre. Ecce homo, car le Seigneur ne doit point entendre vraiment la voix de ses prêtres à travers la pompe des mandements et des bulles. Et sans doute ni la pourpre, ni les joyaux, ni les peintures ne lui agréent. Mais dans cette petite cellule, il a peut-être pitié de mon balbutiement imparfait. Seigneur, je suis très vieux, et me voici vêtu de blanc devant toi, et mon nom est innocent, et tu sais que je ne sais rien. Pardonne-moi ma papauté, car elle a été instituée, et je la subis. Ce n'est pas moi qui ai ordonné les honneurs. J'aime mieux voir ton soleil par cette vitre ronde que dans les reflets magnifiques de mes verrières. Laisse-moi gémir comme un autre vieillard et tourner vers toi ce visage pâle et ridé que je soulève à grand-peine hors des flots de la nuit éternelle. Les anneaux glissent le long de mes doigts amaigris, comme les derniers jours de ma vie s'échappent. Mon Dieu, je suis ton vicaire ici, et je tends vers toi ma main creuse, pleine du vin pur de ta foi. Il y a de grands crimes, il y a de très grands crimes. Nous pouvons leur donner l'absolution. Il y a de grandes hérésies, il y a de très grandes hérésies. Nous devons les punir impitoyablement. À cette heure où je m'agenouille, blanc, dans cette cellule blanche dédorée, je souffre d'une forte angoisse, Seigneur, ne sachant point si les crimes et les hérésies sont du pompeux domaine de ma papauté ou du petit cercle de jour, dans lequel un vieil homme joint simplement ses mains. Et aussi je suis troublé en ce qui touche ton sépulcre. Il est toujours entouré par des infidèles. On n'a pas su le leur reprendre. Personne n'a dirigé ta croix vers la terre sainte. Mais nous sommes plongés dans la torpeur. Les chevaliers ont déposé leurs armes et les rois ne savent plus commander. Et moi, Seigneur, je m'accuse et je frappe ma poitrine. Je suis trop faible et trop vieux. Maintenant, Seigneur, écoute ce chuchotement chevrotant qui monte hors de cette petite cellule de ma basilique et conseille-moi. Mes serviteurs m'ont apporté d'étranges nouvelles depuis les pays de Flandre et d'Allemagne jusqu'aux villes de Marseille et de Gênes. Des sectes ignorées vont naître. On a vu courir par les cités des femmes nues qui ne parlaient point. Ces muettes impudiques désignaient le ciel. Plusieurs fous ont prêché la ruine sur les places. Les ermites et les clercs errants sont pleins de rumeurs. Et je ne sais par quel sortilège plus de 7000 enfants ont été attirés hors des maisons. Ils sont 7000 sur la route, portant la croix et le bourdon. Ils n'ont point à manger, ils n'ont point d'armes, ils sont incapables, et ils nous font honte. Ils sont ignorants de toute véritable religion. Mes serviteurs les ont interrogés. Ils leur répondent qu'ils vont à Jérusalem pour conquérir la terre sainte. Mes serviteurs leur ont dit qu'ils ne pourraient traverser la mer. Ils ont répondu que la mer se séparerait et se déchausserait pour les laisser passer. Les bons parents, pieux et sages, s'efforcent de les retenir. Ils brisent les verrous pendant la nuit et franchissent les murailles. Beaucoup sont fils de nobles et de courtisans. C'est grand pitié. Seigneur, tous ces innocents seront livrés aux naufrages et aux adorateurs de Mahomet. Je vois que le Soudan de Bagdad les guette de son palais. Je tremble que les mariniers ne s'emparent de leurs corps pour les vendre. Seigneur, permettez-moi de vous parler selon les formules de la religion. Cette croisade des enfants n'est point une œuvre pie. Elle ne pourra gagner le sépulcre aux chrétiens. Elle augmente le nombre des vagabonds qui errent sur la lisière de la foi autorisée. Nos prêtres ne peuvent point la protéger. Nous devons croire que le malin possède ces pauvres créatures. Elles vont en troupeau vers le précipice, comme les porcs sur la montagne. Le malin s'empare volontiers des enfants, Seigneur, comme vous savez. Il se donna figure jadis d'un preneur de rats pour entraîner aux notes de la musique de son pipeau tous les petits de la cité de Hamelin. Les uns disent que ces infortunés furent noyés dans la rivière de Weser, les autres qu'il les enferma dans le flanc d'une montagne. Craignez que Satan ne mène tous nos enfants vers les supplices de ceux qui n'ont point notre foi. Seigneur, vous savez qu'il n'est pas bon que la croyance se renouvelle. Sitôt qu'elle parut dans le buisson ardent, vous la fîtes enfermer dans un tabernacle, et quand elle se fut échappée de vos lèvres, sur le Golgotha, vous ordonnâtes qu'elle fût enclose dans les ciboires et dans les ostensoirs. Ces petits prophètes ébranleront l'édifice de votre église. Il faut le leur défendre. Est-ce au mépris de vos consacrés qui usèrent dans votre service leur aube et leur étole, qui résistèrent durement aux tentations pour vous gagner, que vous recevrez ceux qui ne savent ce qu'ils font? Nous devons laisser venir à vous les petits-enfants, mais sur la route de votre foi. Seigneur, je vous parle selon vos institutions. Ces enfants périront. Ne faites pas qu'il y ait sous innocents un nouveau massacre des innocents. Pardonne-moi maintenant, mon Dieu, pour t'avoir demandé conseil sous la tiare. Le tremblement de la vieillesse me reprend. Regarde mes pauvres mains, je suis un homme très âgé. Ma foi n'est plus celle des tout-petits. L'or des parois de cette cellule est usé par le temps. Elles sont blanches. Le cercle de ton soleil est blanc. Ma robe est blanche aussi et mon cœur desséché et pur. J'ai dit selon ta règle, il y a des crimes, il y a de très grands crimes. Il y a des hérésies, il y a de grandes hérésies. Ma tête est vacillante de faiblesse. Peut-être qu'il ne faut ni punir ni absoudre. La vie passée fait hésiter nos résolutions. Je n'ai point vu de miracle. Éclaire-moi, est-ce un miracle? Quel signe leur as-tu donné? Les temps sont-ils venus? Veux-tu qu'un homme très vieux comme moi soit pareil dans sa blancheur à tes petits-enfants candides? 7000, bien que leur foi soit ignorante, puniras-tu l'ignorance de 7000 innocents? Moi aussi je suis innocent. Seigneur, je suis innocent comme eux. Ne me punis pas dans mon extrême vieillesse. Les longues années m'ont appris que ce troupeau d'enfants ne peut pas réussir. Cependant, Seigneur, est-ce un miracle? Ma cellule reste paisible comme en d'autres méditations. Je sais qu'il n'est point besoin de t'implorer pour que tu te manifestes. Mais moi, du haut de ma très grande vieillesse, du haut de ta papauté, je te supplie, instruis-moi, car je ne sais pas. Seigneur, ce sont tes petits innocents, et moi, innocent, je ne sais pas, je ne sais pas. Récit de trois petits-enfants. Nous trois, Nicolas qui ne sait point parler, Alain et Denis, nous sommes partis sur les routes pour aller vers Jérusalem. Il y a longtemps que nous marchons. Ce sont des voix blanches qui nous ont appelés dans la nuit. Elles appelaient tous les petits enfants. Elles étaient comme les voix des oiseaux morts pendant l'hiver. Et d'abord, nous avons vu beaucoup de pauvres oiseaux étendus sur la terre gelée, beaucoup de petits oiseaux dont la gorge était rouge. Ensuite, nous avons vu les premières fleurs et les premières feuilles, et nous en avons tressé des croix. Nous avons chanté devant les villages, ainsi que nous avions coutume de faire pour l'an nouveau. Et tous les enfants couraient vers nous, et nous avons avancé comme une troupe. Il y avait des hommes qui nous maudissaient, ne connaissant point le Seigneur. Il y avait des femmes qui nous retenaient par les bras et nous interrogeaient, et couvraient nos visages de baisers. Et puis, il y a eu de bonnes âmes qui nous ont apporté des écuelles de bois, du lait tiède et des fruits. Et tout le monde avait pitié de nous, car ils ne savent point où nous allons, et ils n'ont point entendu les voix. Sur la terre, il y a des forêts épaisses, et des rivières, et des montagnes, et des sentiers pleins de ronces. Et au bout de la terre se trouve la mer que nous allons traverser bientôt. Et au bout de la mer se trouve Jérusalem. Nous n'avons ni gouvernant ni guide, mais toutes les routes nous sont bonnes. Quoique ne sachant point parler, Nicolas marche comme nous, Alain et Denis, et toutes les terres sont pareilles et pareillement dangereuses aux enfants. Partout il y a des forêts épaisses et des rivières et des montagnes et des épines. Mais partout les voix seront avec nous. Il y a ici un enfant qui s'appelle Eustace et qui est né avec ses yeux fermés. Il garde les bras étendus et il sourit. Nous ne voyons rien de plus que lui. C'est une petite fille qui le mène et qui porte sa croix. Elle s'appelle Alice. Elle ne parle jamais et ne pleure jamais. Elle garde les yeux fixés sur les pieds d'Eustace, afin de le soutenir quand il trébuche. Nous les aimons tous les deux. Eustace ne pourra pas voir les saintes lampes du sépulcre, mais Alice lui prendra les mains, afin de lui faire toucher les dalles du tombeau. Oh, que les choses de la terre sont belles! Nous ne nous souvenons de rien, parce que nous n'avons jamais rien appris. Cependant, nous avons vu de vieux arbres et des rochers rouges. Quelquefois, nous passons dans de longues ténèbres. Quelquefois, nous marchons jusqu'au soir dans des prairies claires. Nous avons crié le nom de Jésus dans les oreilles de Nicolas, et il le connaît bien, mais il ne sait pas le dire. Il se réjouit avec nous de ce que nous voyons, car ses lèvres peuvent s'ouvrir pour la joie, et il nous caresse les épaules. Et ainsi ils ne sont point malheureux, car Alice veille sur Eustace et nous, Alain et Denis, nous veillons sur Nicolas. On nous disait que nous rencontrerions dans le bois des ogres et des loups-garous. Ce sont des mensonges. Personne ne nous a effrayés. Personne ne nous a fait du mal. Les solitaires et les malades viennent nous regarder, et les vieilles femmes allument des lumières pour nous dans les cabanes. On fait sonner pour nous les cloches des églises. Les paysans se lèvent des sillons pour nous épier. Les bêtes aussi nous regardent et ne s'enfuient point. Et depuis que nous marchons, le soleil est devenu plus chaud, et nous ne cueillons plus les mêmes fleurs. Mais toutes les tiges peuvent se tresser en même forme, et nos croix sont toujours fraîches. Ainsi nous avons grand espoir, et bientôt nous verrons la mer bleue. Et au bout de la mer bleue est Jérusalem, et le Seigneur laissera venir à son tombeau tous les petits-enfants, et les voix blanches seront joyeuses dans la nuit. Récit de François Longuejoue, Claire. Aujourd'hui, 15e du mois de septembre, l'année après l'incarnation de notre Seigneur, 1212, sont venus en l'officine de mon maître Hugues Ferré plusieurs enfants qui demandent à traverser la mer pour aller voir le Saint-Sépulcre. Et pour ce que le différé n'a point assez de nefs marchandes dans le port de Marseille, il m'a commandé de requérir maître Guillaume Port, afin de compléter le nombre. Les maîtres Hugues Ferré et Guillaume Port mèneront les nefs jusqu'en Terre Sainte, pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a présentement épandu autour de la cité de Marseille plus de 7000 enfants, dont aucun parle des langages barbares. Et messieurs les échevins, craignant justement la disette, se sont réunis en la maison de ville, où, après délibération, ils ont mandé nos dix maîtres, afin de les exhorter et supplier d'envoyer les nefs en grande diligence. La mer n'est pas de présent bien favorable à cause des équinoxes. Mais il est à considérer qu'une telle affluence pourrait être dangereuse à notre bonne ville, d'autant que ces enfants sont tous affamés par la longueur de la route et ne savent ce qu'ils font. J'ai fait crier aux mariniers sur le port et équiper les nefs. Sur l'heure de vêpres, on pourra les tirer dans l'eau. La foule des enfants n'est point dans la cité, mais ils parcourent la grève en amassant des coquilles pour signe de voyage, et on dit qu'ils s'étonnent des étoiles de mer et pensent qu'elles soient tombées vivantes du ciel afin de leur indiquer la route du Seigneur. Et de cet événement extraordinaire, voici ce que j'ai à dire. Premièrement, qu'il est à désirer que maître Hugues Ferré et Guillaume Port conduisent promptement hors de notre cité cette turbulence étrangère. Secondement, que l'hiver a été bien rude, d'où la terre est pauvre cette année, ce que savent assez messieurs les marchands. Troisièmement, que l'Église n'a été nullement avisée du dessein de cette horde qui vient du nord, et qu'elle ne se mêlera pas dans la folie d'une armée puérile. Turba infantium. Et il convient de louer maître Hugues Ferré et Guillaume Port, autant pour l'amour qu'ils portent à notre bonne ville que pour leur soumission à notre Seigneur, en voyant leurs nefs et les convoyant par ce temps d'équinoxe, et en grand danger d'être attaqués par les infidèles qui écument notre mer sur leurs felouques d'Alger et de bougies. Récit du calendar. Gloire à Dieu, loué soit le prophète qui m'a permis d'être pauvre et d'errer par les villes en invoquant le Seigneur. Trois fois bénis soient les saints compagnons de Mahomet qui instituèrent l'ordre divin auquel j'appartiens. Car je suis semblable à lui lorsqu'il fut chassé à coups de pierre hors de la cité infâme que je ne veux point nommer, et qu'il se réfugia dans une vigne où un esclave chrétien eut pitié de lui, et lui donna du raisin, et fut touché par les paroles de la foi au déclin du jour. Dieu est grand, j'ai traversé les villes de Mossoul et de Bagdad et de Basra, et j'ai connu Salah-ed-Din, Dieu et son âme, et le sultan son frère, Seyf ed-Din, et j'ai contemplé le commandeur des croyants. Je vis très bien d'un peu de riz que je mendie, et de l'eau qu'on me verse dans ma calebasse, j'entretiens la pureté de mon corps. Mais la plus grande pureté réside dans l'âme. Il est écrit que le prophète, avant sa mission, tomba profondément endormi sur le sol. Et deux hommes blancs descendirent à droite et à gauche de son corps et se tinrent là. Et l'homme blanc à gauche lui fendit la poitrine avec un couteau d'or et en tira le cœur, d'où il exprima le sang noir. Et l'homme blanc à droite lui fendit le ventre avec un couteau d'or et en tira les viscères qu'il purifia. Et ils remirent les entrailles en place, et dès lors le prophète fut pur pour annoncer la foi. C'est là une pureté surhumaine qui appartient principalement aux êtres angéliques. Cependant les enfants aussi sont purs. Telle fut la pureté que désira engendrer la devineresse quand elle aperçut le rayonnement autour de la tête du père de Mohammed, et qu'elle tenta de se joindre à lui. Mais le père du prophète s'unit à sa femme Amina, et le rayonnement disparut de son front. Et la devineresse connut ainsi qu'Amina venait de concevoir un être pur. Gloire à Dieu qui purifie. Ici, sous le porche de ce bazar, je puis me reposer, et je saluerai les passants. Il y a de riches marchands d'étoffes et de joyaux qui se tiennent accroupis. Voici un cafetan qui vaut bien 1000 dinars. Moi, je n'ai point besoin d'argent, et je suis libre comme un chien. Gloire à Dieu! Je me souviens, maintenant que je suis à l'ombre, du commencement de mon discours. Premièrement, je parle de Dieu, hors lequel il n'y a pas de Dieu, et de notre saint prophète qui révèle à la foi, car c'est l'origine de toutes les pensées, soit qu'elles sortent de la bouche, soit qu'elles aient été tracées à l'aide du calame. En second lieu, je considère la pureté dont Dieu a doué les saints et les anges. En troisième lieu, je réfléchis à la pureté des enfants. En effet, je viens de voir un grand nombre d'enfants chrétiens qui ont été achetés par le commandeur des croyants. Je les ai vus sur la grande route. Ils marchaient comme un troupeau de moutons. On dit qu'ils viennent du pays d'Égypte et que les navires des Francs les ont débarqués là. Satan les possédait et ils tentaient de traverser la mer pour se rendre à Jérusalem. Gloire à Dieu! Il n'a pas été permis qu'une si grande cruauté fût accomplie, car ces pauvres enfants seraient morts en route, n'ayant ni aide ni vivres. Ils sont tout à fait innocents, et à leur vue, je me suis jeté à terre, et j'ai frappé la terre du front en louant le Seigneur à voix haute. Voici maintenant quelle était la disposition de ces enfants. Ils étaient vêtus de blanc, et ils portaient des croix cousues sur leurs vêtements. Ils ne paraissaient point savoir où ils se trouvaient, et ne semblaient pas affligés. Ils gardent les yeux dirigés constamment au loin. J'ai remarqué l'un d'eux qui était aveugle, et qu'une petite fille tenait par la main. Beaucoup ont des cheveux roux et des yeux verts. Ce sont des Francs qui appartiennent à l'empereur de Rome. Ils adorent faussement le prophète Jésus. L'erreur de ces Francs est manifeste. D'abord, il est prouvé par les livres et les miracles qu'il n'y a point d'autre parole que celle de Mohammed. Ensuite, Dieu nous permet journellement de le glorifier et de quitter notre vie, et il ordonne à ses fidèles de protéger notre ordre. Enfin, il a refusé la clairvoyance à ses enfants qui sont partis d'un pays lointain, tentés par Iblis, et il ne s'est point manifesté pour les avertir. Et s'ils n'étaient tombés heureusement entre les mains des croyants, ils auraient été saisis par les adorateurs du feu et enchaînés dans des caves profondes. Et ces maudits les auraient offerts en sacrifice à leur idole dévoratrice et détestable. Loué soit notre Dieu qui fait bien tout ce qu'il fait et qui protège même ceux qui ne le confessent point. Dieu est grand. J'irai maintenant demander ma part de riz dans la boutique de cet orfèvre et proclamer mon mépris des richesses. S'il plaît à Dieu, tous ses enfants seront sauvés par la foi. Récit de la petite Alice. Je ne peux plus bien marcher parce que nous sommes dans un pays brûlant où deux méchants hommes de Marseille nous ont emmenés. Et d'abord nous avons été secoués sur la mer dans un jour noir, au milieu des feux du Sienne. Mais mon petit Eustace n'avait point de frayeur parce qu'il ne voyait rien et que je lui tenais les deux mains. Je l'aime beaucoup, et je suis venu ici à cause de lui, car je ne sais pas où nous allons. Il y a si longtemps que nous sommes partis. Les autres nous parlaient de la ville de Jérusalem, qui est au bout de la mer, et de notre Seigneur qui serait là-bas pour nous recevoir. Et Eustace connaissait bien notre Seigneur Jésus, mais il ne savait point ce qu'est Jérusalem, ni une ville, ni la mer. Il s'est enfui pour obéir à des voix, et il les entendait toutes les nuits. Il les entendait dans la nuit à cause du silence, car il ne distingue pas la nuit du jour. Et il m'interrogeait sur ces voix, mais je ne pouvais rien lui dire, je ne sais rien, et j'ai seulement de la peine à cause d'Eustace. nous marchions près de Nicolas, et d'Alain, et de Denis. Mais ils sont montés sur un autre navire, et tous les navires n'étaient plus là quand le soleil a reparu. Hélas, que sont-ils devenus? Nous les retrouverons quand nous arriverons près de notre Seigneur. C'est encore très loin. On parle d'un grand roi qui nous fait venir et qui tient en sa puissance la ville de Jérusalem. En cette contrée tout est blanc, les maisons et les vêtements, et le visage des femmes est couvert d'un voile. Le pauvre Stas ne peut pas voir cette blancheur, mais je lui en parle, et il se réjouit, car il dit que c'est le signe de la fin. Le Seigneur Jésus est blanc, la petite Alice est très lasse, mais elle tient Eustas par la main, afin qu'il ne tombe pas, et elle n'a pas le temps de songer à sa fatigue. Nous nous reposerons ce soir, et Alice dormira, comme de coutume près d'Eustas, et si les voix ne nous ont point abandonnés, elle essaiera de les entendre dans la nuit claire, et elle tiendra Eustas par la main jusqu'à la fin blanche du grand voyage, car il faut qu'elle lui montre le Seigneur. Et assurément le Seigneur aura pitié de la patience d'Eustas, et il permettra que Eustas le voie, et peut-être alors Eustas verra la petite Alice. Récit du pape Grégoire IX. Voici la mère dévoratrice qui semble innocente et bleue. Ses plis sont doux, et elle est bordée de blanc, comme une robe divine. C'est un ciel liquide et ses astres sont vivants. Je médite sur elle, de ce trône de rocher où je me suis fait apporter, hors de ma litière. Elle est véritablement au milieu des terres de la chrétienté. Elle reçoit l'eau sacrée où l'Annonciateur lava le péché. Sur ses bords se penchèrent toutes les saintes figures, et elle a balancé leur image transparente. Grande ointe mystérieuse qui n'a ni flux ni reflux, berceuse d'azur insérée sur l'anneau terrestre comme un joyau fluide, je t'interroge avec mes yeux. Ô mère Méditerranée, rends-moi mes enfants. Pourquoi les as-tu pris? Je ne les ai point connus. Ma vieillesse ne fut pas caressée par leurs haleines fraîches. Ils ne vinrent pas me supplier de leur tendre bouche entr'ouverte. Seuls, semblables à de petits vagabonds, pleins d'une foi furieuse et aveugle, ils s'élancèrent vers la terre promise, et ils furent anéantis. D'Allemagne et de Flandre, et de France et de Savoie, et de Lombardie, ils vinrent vers tes flots perfides, mère sainte, bourdonnant d'indistinctes paroles d'adoration. Ils allèrent jusqu'à la cité de Marseille, ils allèrent jusqu'à la cité de Gênes, et tu les portas dans des nefs sur ton large dos crételé d'écume. Et tu te retournas, et tu allongeas vers eux tes bras glauques, et tu les as gardés. Et les autres, tu les as trahis, en les menant vers les infidèles, et maintenant ils soupirent dans les palais d'Orient, captifs des adorateurs de Mahomet. Autrefois un orgueilleux roi d'Asie te fit frapper de vergers chargés de chaînes. Ô mère Méditerranée, qui te pardonnera? Tu es tristement coupable, c'est toi que j'accuse, toi seul, faussement limpide et clair, mauvais mirage du ciel. Je t'appelle en justice devant le trône du Très-Haut, de qui relève toute chose créée. Mère consacrée, qu'as-tu fait de nos enfants? Lève vers lui ton visage céruléen, tends vers lui tes doigts frissonnants de bulles, agite ton innombrable rire pourpré, fais parler ton murmure et rends-lui compte. Muette par toutes tes bouches blanches qui viennent expirer à mes pieds sur la grève, tu ne dis rien. Il y a dans mon palais de Rome une antique cellule dédorée, que l'âge a fait candide comme une aube. Le pontife innocent avait coutume de s'y retirer. On prétend qu'il y médita longtemps sur les enfants et sur leur foi, et qu'il demanda au Seigneur un signe. Ici, du haut de ce trône de rocher, parmi l'air libre, je déclare que ce pontife innocent avait lui-même une foi d'enfant, et qu'il secoua vainement ses cheveux lassés. « Je suis beaucoup plus vieux qu'innocent. Je suis le plus vieux de tous les vicaires que le Seigneur a placés ici-bas. Et je commence seulement à comprendre. Dieu ne se manifeste point. Est-ce qu'il assiste à son fils au jardin des Oliviers? Ne l'abandonna-t-il pas dans son angoisse suprême? Ô folie puérile que d'invoquer son secours! Tout mal et toute épreuve ne résident qu'en nous. Il a parfaite confiance en l'œuvre pétrie par ses mains. Et tu as trahi sa confiance. Mère divine, ne t'étonne point de mon langage. Toutes choses sont égales devant le Seigneur. La superbe raison des hommes ne vaut pas plus au prix de l'infini que le petit œil rayonné d'un de tes animaux. Dieu accorde la même part au grain de sable et à l'empereur. L'or mûrit dans la mine aussi impeccablement que le moine réfléchit dans le monastère. Les parties du monde sont aussi coupables les unes que les autres, lorsqu'elles ne suivent pas les lignes de la bonté, car elles procèdent de lui. Il n'y a point à ses yeux de pierre, ni de plantes, ni d'animaux, ni d'hommes, mais des créations. Je vois toutes ces têtes blanchissantes qui bondissent au-dessus de tes vagues et qui se fondent dans ton eau. Elles ne jaillissent qu'une seconde sous la lumière du soleil, et elles peuvent être damnées ou élues. L'extrême vieillesse instruit l'orgueil et éclaire la religion. J'ai autant de pitié pour ce petit coquillage de nacre que pour moi-même. Voilà pourquoi je t'accuse, mère dévoratrice, qui a englouti mes petits-enfants. Souviens-toi du roi asiatique par qui tu fus puni. Mais ce n'était pas un roi centenaire, il n'avait pas subi assez d'années. Il ne pouvait point comprendre les choses de l'univers. Je ne te punirai donc pas, car ma plainte et ton murmure viendraient mourir en même temps aux prières du Très-Haut, comme le bruissement de tes gouttelettes viennent mourir à mes pieds. Ô mère Méditerranée, je te pardonne et je t'absous. Je te donne la très sainte absolution. Va-t'en et ne pêche plus. Je suis coupable comme toi de fautes que je ne sais point. Tu te confesses incessamment sur la grève par tes mille lèvres gémissantes, et je me confesse à toi, grande mère sacrée, par mes lèvres flétries. Nous nous confessons l'un l'autre. Absous-moi et je t'absous. Retournons dans l'ignorance et la candeur. Ainsi soit-il. Que ferai-je sur la terre? Il y aura un monument expiatoire, un monument pour la foi qui ne sait pas. Les âges qui viendront doivent connaître notre piété et ne point désespérer. Dieu mena vers lui les petits-enfants croisés par le saint péché de la mer. Des innocents furent massacrés. Les corps des innocents auront leur asile. Sept nefs se noyèrent au récif du Reclus. Je bâtirai sur cette île une église des nouveaux innocents, et j'y instituerai 12 prépendaires. Et tu me rendras les corps de mes enfants, mère innocente et consacrée. Tu les porteras vers les grèves de l'île. Et les prépendaires les déposeront dans les cryptes du temple, et ils allumeront au-dessus d'éternelles lampes où brûleront de saintes huiles, et ils montreront aux voyageurs pieux tous ces petits ossements blancs étendus dans la nuit.